إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 3 dans l'explication des égarements de la secte Jama'at al-Tabligh. Et on va commencer tout de suite donc dans la lecture du livre de Cheikh Sultan al-Eid. Et on est arrivé la semaine passée à une partie où il cite une parole de l'imam Salih al-Suhaymi, Cheikh Salih al-Suhaymi. سئل فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي عن جماعة التبليغ أجاب رعاه الله أجاب بقوله والله مر بي موقف مع شابين في عقر معقل التوحيد عندما تكلمنا عن العلم وفضله وأهمية احترام العلماء والتتلمذ عليهم وضربت أمثلة بمشيخنا ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم فخرج شابان وقال أنت تريد أن نتتلمذ على هؤلاء ونترك الخروج في سبيل الله هل تريد أن تلزمنا بالجلوس عند هؤلاء الذين قعدوا عن الجهاد في سبيل الله نحن نخرج في سبيل الله مع جماعة التبليغ والعلم يأتينا فيوضات هكذا يقول شابان من قلب نجد من قلب معقل التوحيد فمن أين عرفا كلمة فيوضات وهي مصطلح من مصطلحات الصوفية وهم بادية لا أبوه ولا جده عرف كلمة فيوضات فيوضات هذه عرفاها من محمد الياس أو إنعام الحسن إلى انتهى كلامه غفر الله له. Donc le cheikh explique, il dit que l'imam, le cheikh Salih al-Suhaymi, il a mentionné une histoire qui lui est arrivée par rapport à deux jeunes en Arabie Saoudite. Il s'est adressé à eux, il leur a expliqué l'importance de la science et l'importance du respect des ulama et d'étudier avec les ulama. Puis il leur a donné des exemples en leur parlant de nos chouyours, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres parmi les ulama. Et le Cheikh, il dit que ces deux jeunes, ils sont sortis et ils ont dit, est-ce que tu veux que nous, on parte étudier avec ceux-là et qu'on abandonne la sortie dans le chemin d'Allah? Est-ce que tu veux nous imposer de s'asseoir avec ceux-là qui se sont assis et qui sont restés derrière et qui n'ont pas fait le djihad fi sabilillah? Nous, on sort dans le chemin d'Allah et avec les jama'at tablir et la science nous tombe sur nous comme des émanations. C'est-à-dire la science nous vient directement par émanation sans même qu'on étudie. Et le cheikh, il dit donc, c'est ainsi que deux jeunes dans le pays du tawhid, hein, qui n'ont jamais rien connu ni de ces termes-là, de ces expressions, des émanations comme fuyudat. Il dit ça, c'est des terminologies soufis, c'est des terminologies utilisées par les soufis. Et lui, c'est un bédouin, ces deux jeunes, c'était des bédouins, ni lui, ni leur père, ni leur grand-père n'ont jamais entendu parler de fuyudat. Mais c'est de Mohamed Elias et de Inam al-Hassan qu'ils ont appris cette terminologie soufie-là. Donc ça, c'était juste un exemple pour montrer à quel point cette da'wa de tablir, même dans le pays du Tawhid en Arabie Saoudite, il a des impacts dans le fait qu'il éloigne les gens de la bonne aqidah et les amène vers des idées qui sont des idées soufies. Après, le cheikh il dit وكان شيخهم الأكبر مؤسس الجماعة يزعم أنه أسسها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو يقول أمرت بهذا الأمر أثناء إقامتي بالمدينة المنورة قيل لي سوف نستعملك ونكلفك بعمل وكان يقول إنما تلقيت طريقة التبليغ بطريق الكشف Filmanam. Donc, il explique que leur cheikh, leur fondateur, Mohamed Elias, il prétend qu'il a établi cette jama'a sous l'ordre ou par l'ordre du messager Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit lui-même, j'ai été ordonné pendant que j'étais résident à Médine, Al-Madina, et on m'a dit, nous allons t'utiliser et on va te charger d'un travail. Et il dit également qu'il a appris ou il a reçu la voie de tablir par la voie du kashf, c'est-à-dire pendant un rêve, dans un rêve pendant mon sommeil. Ça, c'est encore une fois une des méthodes que les soufis utilisent pour leur religion, pour apprendre leur religion soi-disant, c'est qu'ils se basent sur des rêves pour pratiquer la religion. Tout ce qu'ils voient dans leur rêve, ils le prennent comme une révélation et puis ils croient qu'ils reçoivent des nouvelles adorations, des nouvelles formes d'adoration ou des nouveaux messages à travers leurs rêves. Après, il dit وقال الحاج عبد الرحمن أحد أتباعه إن الشيخ محمد إلياس لم يتشجع للقيام بهذا العمل حتى أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام به. Il dit ici que le Hajj Abdurrahman, un de ses fidèles, un des gens qui a suivi Mohamed Elias, il a dit, il n'a pas été encouragé de faire ce travail jusqu'à ce qu'il a été commandé de le faire par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est des exemples de comment ces gens-là pensent qu'ils reçoivent des ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas spécifique à Mohamed Elias, c'est la parole de la plupart des chouyoukhs soufis qui ont une tariqa. Ils prétendent toujours avoir reçu cette tariqa du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était que soit qu'ils l'ont reçu dans un rêve, ils ont vu le messager sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve qui leur a ordonné de faire quelque chose, ou bien en état d'éveil, même certains vont jusqu'à dire que ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, qui est venu leur parler, qui leur a révélé ou ordonné de faire quelque chose, et donc ils l'ont fait. Et ils prétendent que c'est sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, na'udhu billahi min al-kadhibi ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, khatim al-khatim al-mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kayfa ya'muru al-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi-insha'i jama'atin bid'iyatin tukhalifu sunnatahu wa tahdimu da'wat al-tawhid. Le cheikh il dit, on demande le refuge, on cherche le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le mensonge qui est fait contre notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers, al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pourrait ordonner d'établir une jama'a ou de commencer une jama'a qui est basée sur l'innovation et la bid'a, qui est en contradiction avec sa sunna et qui détruit et qui s'oppose même à la da'wa du tawhid? Et le cheikh al-Allama Hamoud al-Twejri allaqa ala hadhihi al-akdhuba bi qawlihi fi al-jumla al-talwih bi annahu qad uhiya ilayhi bit-tabligh wa la shakka anna hadha min wahyi ash-shaytan ilayhi wa qala mu'alliqan ala ma da'ahu shaykhuhum min al-kashf tariqatu al-mukashafa allati za'amaha هي من دعوى علم الغيب وعند الصوفية والتبليغيين أنها من الكرامات وهي في الحقيقة من وحي الشيطان وتلاعبه بهم. Donc le cheikh explique ici que l'imam Hamoud al-Twejri, il a mentionné au sujet de ces mensonges qu'on vient de mentionner. Hein, il dit qu'en général, le commentaire au sujet de cette parole, c'est qu'il prétend qu'il a reçu une révélation, qu'on lui a révélé, que Mohamed Elias prétend qu'on lui a révélé cette voix, hein, par révélation. Et il n'y a pas de doute que ça, ça fait partie de la révélation du shaitan, que le shaitan lui a donné. Ensuite, il mentionne également, en commentant sur la question de ce que leur shir a prétendu, en disant que lorsqu'il a dit qu'il a reçu ça par kashf, c'est-à-dire par la voix du rêve, et des choses de ce genre, eh bien, il dit, la voix de Al-Mukashafa, ce que ces gens-là prétendent, qu'ils reçoivent des révélations qui leur sont dévoilées, ou des connaissances du rêve qui leur sont dévoilées, ça fait partie de prétendre d'avoir la connaissance du rêve. Et ça, chez les soufis et chez les tabliriens, ils considèrent que ça, c'est des miracles ou des prodiges, des karamates. Et en réalité, c'est une révélation du shaitan qui joue avec eux. Hein? Comme même Tariq Ramadan qui prétendait dans une de ses conférences que son cheikh ou qu'un cheikh il pouvait mettre sa main sur le cœur de quelqu'un et puis savoir les problèmes qu'il avait à la maison et puis savoir qu'ils vont se réconcilier ou des choses de ce genre. Ça, ça fait partie des idées des soufis hein? Et c'est les révélations du shaitan en fait. Parce que c'est des gens qui rentrent en contact avec leur shayatin pour essayer de connaître le rêve ou connaître des aspects du rêve et puis par la suite contrôler les gens et les manipuler avec ces trucs diaboliques là. Le cheikh il dit ensuite bal yasil al hal bi mashayikhihim al sufiyya ila al nahy an inkar al munkar wa ya lillah al ajab ma huwa muhammad zakaria yaqul ha huwa ما زكريا يقول لا يجوز للمبلغين من الجماعة النهي عن المنكرات والفواحش في المجالس العامة. Donc il dit que également parmi les idées de ces gens-là, il dit c'est arrivé tellement à un point grave qu'on voit que chez leurs chouyours soufis, ils interdisent même aux gens de dénoncer ou de critiquer ou d'interdire le munkar lorsqu'il est fait publiquement. Et on voit même Mohamed Elias, hein, ou bien plutôt Mohamed Zakaria, qui dit dans l'introduction de Tablir Inesab, il dit il n'est pas permis aux gens qui font le tablir dans la Jama'a d'interdire les péchés et les choses qui sont faites, les turpitudes qui sont faites dans les endroits publics. Le Cheikh il dit كيف يقول ذلك والله قد أمرنا به ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فلم يقيده صلى الله عليه وسلم بغير المجالس العامة بل وصل الأمر بهم إلى ترك التحذير من البناء على القبور والطواف حولها فخرج معهم القبور فيخرج معهم القبور سنوات دون أن يحذر من الشرك بدعوة تأليف قلبه والجمع بين الأمة ثم يموت على شركه ولم تبلغه دعوة التوحيد فأي دعوة وأي تبليغ هذا. Donc, le cheikh explique, il dit, comment ces gens-là peuvent dire ça? On ne doit pas interdire le mal lorsqu'il est fait en public. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et qu'il y ait parmi vous un groupe qui ordonne, ou qui appelle, ou qui invite au bien, et qui ordonne le bien, et qui interdit le mal. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Et dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, celui d'entre vous qui voit un munkar, qui voit un mal, alors qu'il le change par sa main. Et s'il ne peut pas, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le minimum ou le plus bas niveau de la foi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas spécifié. Il n'a pas limité ce hadith en excluant les lieux publics ou les endroits où les gens sont assis. Donc le fait de changer le mal ou d'interdire le mal, c'est quelque chose qui est général. Et on ne peut pas exclure les endroits publics ou les endroits où les gens s'assoient ensemble comme étant un endroit où on ne doit pas interdire le mal. Le cheikh dit qu'ils sont arrivés à un point aussi tellement grave que ils n'interdisent pas à quelqu'un yani, des choses qui sont très très graves. Comme par exemple, ils n'avertissent pas contre le fait de construire sur les tombes ou bien de faire le tawaf autour des tombes. Et donc, le cheikh, il dit que parmi eux, il y en a qui vont sortir, qui adorent les tombes, et ils sortent pendant des années sans jamais qu'on l'avertisse contre le shirk. Et ils ne vont pas lui parler du danger du shirk, ils l'avertissent contre le shirk, sous prétexte qu'ils ne veulent pas le faire fuir, ou bien qu'ils veulent rassembler les cœurs. Donc, ils pensent que c'est la manière de réunir la umma. De ne pas parler contre le shirk. Donc la personne, elle va mourir sur son shirk et elle n'aura jamais reçu on ne lui aura jamais transmis la da'wa du tawhid. Donc quelle sorte de da'wa et quelle sorte de tablir est-ce que c'est que ça? La base, c'est d'avertir et d'expliquer aux gens le tawhid et d'avertir contre le shirk. Après, le shaykh dit: fas'alu ahla al-dhikri, ma'ashir al-mu'minin, ya ansar al-tawhid, إن الواجب على المسلم إذا أشكل عليه أمر من دينه أن يسأل العلماء الربانيين، لأن الله عز وجل قد أمره بذلك في محكم التنزيل، وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم هم حراس الشريعة الذابون عن حياض التوحيد، وهم مصابيح الدجى وأعلام الهدى. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحب إلى الشيطان هلاكا مني. قيل: ولما؟ قال: والله إنه لتحدث البدعة في مشرق أو مغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فتعود عليه. Le cheikh, il explique, il dit que: vous les défenseurs du tawhid, l'obligation pour le musulman lorsqu'il y a une difficulté pour lui dans sa religion, c'est qu'il demande aux hommes de science et aux rabbaniyin, ceux qui sont les éducateurs, pour qu'ils clarifient les différentes choses qu'ils trouvent dans lesquelles ils ont de la difficulté ou les choses qui sont problématiques pour eux. Pour qu'ils leur demandent ces questions-là, pour qu'ils répondent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le faire dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc, les gens de la science, les hommes de science, sont les protecteurs et les défenseurs de la charia. C'est eux qui défendent la barrière et les frontières du tawhid. Et donc, ce sont les lanternes de la Ummah. Et ce sont les drapeaux de la guidance. Et donc, Abdullah ibn Abbas, il disait: par Allah, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un sur la terre aujourd'hui qui soit plus, que le shaitan aimerait plus qu'il périsse que moi. C'est-à-dire, le shaitan, parmi tous les hommes sur la terre, c'est Abdullah ibn Abbas que le shaitan aimerait le plus voir périr. Pourquoi? Et on lui a posé la question: pourquoi? Il a dit: parce que par Allah, lorsque quelqu'un invente une innovation quelque part à l'est ou à l'ouest dans le monde, en Orient ou en Occident, quelqu'un invente une innovation et on me la rapporte jusqu'à moi, et lorsqu'elle arrive à moi, je l'écrase avec la sunna, et puis elle lui revient, donc elle retourne vers lui. Donc c'est pour dire que Abdullah ibn Abbas, comme ça c'est rapporté par l'imam Al-Lakai dans l'intiqad Ahl-Sunnah, il explique que, en fait, pourquoi le shaitan le déteste et pourquoi le shaitan souhaiterait tellement sa mort, c'est justement parce que il réfute aux gens de bid'a leur bid'a et il purifie cette religion. Et donc ça enrage le shaitan. Et c'est pour ça que le shaitan souhaiterait le plus que ce soit lui qui périssent. Et c'est la même chose pour tous les ulama de l'islam, pour tous les ulama d'Ahl-Sunnah qui défendent le tawhid et la sunnah. Et bien aujourd'hui encore, comme à l'époque de Abdullah ibn Abbas, et bien ils réfutent les gens de bid'a, du moment que la bid'a arrive à eux, et bien ils la réfutent et puis elle est détruite, cette bid'a. Et il dit: لقد أمر الله تعالى بالتمسك بالحق وحذر من اتباع أهواء الخلق ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إخباره بوقوع الافتراق في هذه الأمة كما وقع في الأمم قبلها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقد بين صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة من هذا التفرق والاختلاف، فقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le Cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous accrocher à la vérité. Il nous a averti contre le fait de suivre les gens de passion, de suivre les passions et les passions des hommes. Le Cheikh, il a dit, il mentionne le verset dans le Coran, dans Surat Al-Jathiyah, qui dit: et puis ensuite nous t'avons mis sur la voie de la sharia de l'ordre. Alors suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Et le Cheikh, il dit que ça, ça fait partie aussi parmi les signes de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des informations qu'il nous a données au sujet de l'avenir. Il nous avait informé qu'il y allait avoir de la division dans cette umma. Et ça, ça fait partie de, des preuves de sa prophétie, qu'il était vraiment un prophète, puisqu'il a, il nous annonce des choses qui vont se produire dans l'avenir. Et ces choses-là, elles se produisent. Hein? Donc il a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, que vous allez suivre les voies des gens, des nations qui ont vécu avant vous. Hein? Et comme il a expliqué également dans le hadith de la division, il nous a expliqué dans le hadith de la division qu'il y allait avoir des divisions et des divergences. Et il nous a également clarifié la voie pour le salut, pour être sauvé de ces divisions-là. Il a dit: et celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors, je vous incite à suivre ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses dans la religion. Parce que toute nouvelle chose est une bid'a et toute bid'a est un égarement. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi dans leur livre, et également par Ibn Majah et l'imam Ahmad ibn Hanbal. Le Cheikh dit: ha huwa al-imam Ahmad rahimahullah yubayyinu athara al-ulama fi radd al-ahwa' wal-bid'a wan-nush li ummat al-islam. يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الشيخ الذي ولا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله qui clarifie les faits et l'impact des ulama dans le fait qu'il refute les passions et qu'il refute les innovations et qu'il donne le bon conseil à la umma de l'islam. L'imam Ahmed a dit: louange à celui qui entre chaque période, entre chaque messager, a laissé des restes parmi les hommes de science qui appellent ceux qui se sont égarés à la guidance et qui leur font voir clairement les choses qui peuvent leur amener leur amener du tort, qui leur fait voir clairement les choses qui pourraient leur nuire, qui font revivre par le livre d'Allah les morts, et qui font voir par la lumière d'Allah ceux qui ont été aveuglés parmi les hommes qui ont été aveuglés. Et combien de gens qui ont été atteints par Iblis, qui ont été revivifiés par leurs efforts. Et combien d'hommes égarés et perdus ont été guidés par leur travail. Comme elle est belle l'effet que comme il est bien cet effet qu'ils ont sur les hommes, et comme il est laid l'effet des hommes sur eux, dans le sens que les gens ne leur remettent pas toujours le bien. Et disons que tout ce qui a été déformé de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les déformations qu'ils ont essayé de faire au livre d'Allah, ils le nient, ils le rejettent, ils nient ces déformations des sens, et ils rejettent également tout ce qui a été volé par les imposteurs également au nom de la science, ceux qui se présentent comme étant des gens de science et qui déforment la réalité, ou qui sont des imposteurs, et également les gens qui interprètent faussement la religion à cause de leur ignorance. Eh bien, tout ça, ça a été rejeté par les hommes de science. Ils ont purifié la religion d'Allah de ces formes de déviation-là. Le cheikh dit « Wa la rayba min ma'rifati al-batil » لا ريب أن معرفة الباطل وأهله سبيل للنجاة منه إن شاء الله. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. من لا يعرف الشر من الخير وقع فيه. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que le fait de connaître le faux et de connaître les gens de la fausseté, ça c'est une voie vers le salut, Inch'Allah. Hein? Et il mentionne les paroles du poète qui dit, j'ai connu le mal, non pas pour le mal lui-même, mais pour m'en protéger. Celui qui ne connaît pas le mal du bien, il risque de tomber dedans facilement. Et il mentionne les paroles de l'imam, du sahabi, Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, il dit, les hommes avaient l'habitude de poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de tout ce qui est bien, de tout ce qui est bon, et moi j'avais l'habitude de poser des questions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de tout ce qui était mauvais, par crainte que ce qui était mal ou mauvais m'atteigne et me tombe dessus. Donc ça c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari qui mentionne les paroles de Hudhayfa, et c'est rapporté aussi par l'imam muslim aussi. Et il y a des gens aujourd'hui, en passant, qui se concentrent uniquement sur le bien et qui expliquent uniquement aux gens le bien et qui disent ça c'est suffisant, on va juste expliquer aux gens qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est bien, le reste c'est pas grave, ils vont le comprendre tout seuls. Mais c'est pas nécessairement vrai. C'est pas nécessairement vrai que lorsque tu dis à quelqu'un uniquement la vérité, que ça va être suffisant pour lui et qu'il va être capable de comprendre par lui-même le mal. Hein. Et la preuve, c'est que beaucoup de gens sont tombés dans l'égarement, sont tombés dans le mal parce qu'ils connaissaient le bien mais ils ne savaient pas reconnaître le mal quand ils le voyaient. Et donc c'est très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, il ne nous a pas seulement enseigné comment reconnaître le bien, il nous a également enseigné comment reconnaître le mal aussi, justement pour qu'on puisse éviter de tomber dans le mal. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو أن يتكلم في أهل البدع قال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah ici, il dit que donc ça c'est pareil pour les imams de la bid'a, les gens qui sont les chefs de la bid'a, et parmi ceux qui ont des paroles, des positions et des croyances qui sont contraires au Coran et à la Sunna, de même que ceux qui ont des adorations qu'ils font qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, de clarifier l'état de ces gens-là et d'avertir la Umma contre eux, ça c'est une obligation. C'est une obligation pour la Ummah. Hein, c'est une obligation pour les musulmans. Ça, c'est selon l'accord de tous les savants. Tous les savants sont unanimes. Tous les musulmans sont d'accord là-dessus. Même que on a posé la question à l'imam Ahmad ibn Hanbal au sujet de l'homme qui faisait le jeûne, qui fait la salat, qui fait l'intikaf. Est-ce que lui, il est préférable, il est plus aimé celui-là, ou bien celui qui parle contre les gens de bid'ah? Eh bien, l'imam Ahmad a répondu. Il a dit, celui qui prie, celui qui jeûne, celui qui fait l'intikaf, hein, qui prie la nuit, ça, il fait ses actes de piété là pour lui-même seulement. Tandis que celui qui critique et qui parle contre les gens de bid'ah, il fait ça pour les musulmans, pour protéger les musulmans. Eh bien, ça, c'est mieux. Ça, c'est rapporté dans Majmou' al-Fatawa, le volume 28, à la page 231. Ça, c'est pour expliquer que de parler contre les gens de bid'ah, eh bien, ça, c'est mieux. Et souvent, quand on parle contre les gens de bid'ah, qu'est-ce qu'ils disent, les gens de bid'ah? Ils disent, ah, mais vous avez rien d'autre à faire de mieux que de parler contre les gens. Pourquoi vous êtes en train de critiquer, hein, toujours en train de critiquer les gens, et vous parlez contre les ulama et vous mangez la chair des ulama? Parce que pour eux, les gens de bid'ah, c'est des ulama. Parce que eux-mêmes sont sur la bid'ah. Alors pour eux, les gens de bid'ah sont des ulama. Et de les critiquer, c'est de critiquer les ulama. Ils comprennent pas puisqu'ils sont eux-mêmes sur la bid'ah. Mais ceux qui sont sur la sunna, ils comprennent qu'on ne critique pas les gens de bid'ah. On critique pas les gens de bid'ah pour le plaisir. Hein? On critique les gens de bid'ah pour protéger et avertir les musulmans, pour éviter que les musulmans tombent dans l'égarement de ces bid'ahs. Hein? Et c'est pour le bien de la umma, et ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais étant donné que ces gens-là sont aveuglés justement par la bid'ah, ils considèrent, eux, que lorsqu'on fait ça, on mange la chair des ulama et qu'on perd notre temps et qu'on devrait parler plutôt de d'autres choses qui sont pour eux plus bénéfiques. Donc ça, c'est du fait que, étant donné que leur compréhension de la religion est à l'envers, est inversée, pour eux la sunna c'est la bid'ah, puis la bid'ah c'est la sunna. Le bien c'est le mal, et le mal c'est le bien. Pourquoi? Parce que ils ont des compréhensions de la religion qui sont à l'envers. Et ça, c'est le résultat de toute personne qui est ignorant du tawhid et de la sunna et des fondements de la religion musulmane. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala guide ces gens pour qu'ils puissent comprendre la réalité de cette religion. Et du moment où ils auront compris cette religion comme il faut, avec les fondements de la religion, eh bien là, vous allez voir que par la suite, tout va se mettre en place. Hein? Mais tant qu'ils sont confus et ignorants des bases de la religion musulmane, eh bien, ils ne pourront jamais distinguer entre le vrai et le faux. Et qu'est-ce qui est étrange des fois, juste un autre point encore qui fait réfléchir, c'est que si vous entendez certains de leurs discours ou certaines de leurs paroles, hein, vous ne pouvez pas distinguer entre est-ce que c'est les paroles d'un prêtre ou d'un rabbin ou bien les paroles d'un savant musulman. Parce qu'ils ne parlent jamais des choses fondamentales qui distinguent les musulmans et les koufars dans les fondements de la religion, comme le tawhid et la sunna, comme on l'a expliqué. Et donc, tout ce qu'ils disent pourrait être dit par n'importe quel kafir, et même parfois par des athées. Hein. Vous allez avoir des athées qui vont parler de justice sociale, qui vont parler d'honnêteté, ou de justice, ou de liberté, ou de toutes sortes de notions qu'ils vont expliquer. Et tu vas entendre certains de ces prêcheurs islamiques-là, ou bien certains de ces soufis qui vont parler de la religion, de la même manière que ceux-là. Hein? Et donc c'est comme si on dirait que si tu les regardes pas ou si tu les connais pas, tu vas entendre leur parole, tu vas dire ben il y a rien qui distingue ces gens-là de ce que les autres enseignent, parce que ils ne concentrent pas leur da'wa sur les bases qui font que on est différent justement des koufars et des mushrikines et des gens de bid'ah. Donc ça, c'était juste un point en passant. Le cheikh ensuite il dit: فيا أهل التوحيد والسنة إن المتأمل في الأمة الإسلامية اليوم يدرك أنها ابتليت بجماعات محدثة أو محدثة مختلفة المناهج والآراء متفقة على الوقيعة في أهل السنة والجماعة والكيد لهم ونتيجة وتنحية دعوتهم لتحل محلها ولها في ذلك مناهج خفية وأساليب ماكرة حتى خفي حالهم على كثير من الناس لكنه لم تخفى بحمد الله على العلماء الذين نور الله بصائرهم ووقفهم للاتباع ووفقهم لاتباع طريق السلف الصالح. هلما معاشر الموحدين تعالوا إلى كلمة الحق التي نطق بها علماؤنا الأخيار في هذه الجماعة الجديدة البدعية, جماعة تفصل بين العامة والعلماء, تفصل بين العامة وعلماء السنة والتوحيد وتحول بين العوام وسماع كلام العلماء فيها وتلبس وتضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض وتربي أتباعها على تهميش فتاوى العلماء الربانيين فيها وقد يلبسون على بعض المنتسبين إلى العلم ليخرج معه تزكية لهم فيطيرون بها ويغررون بالعوام مع ظهور ضلالهم وانحرافهم. والله غالب والله غالب على أمره. Le cheikh il dit, quiconque aujourd'hui médite sur la réalité de la Ummah islamique, il va comprendre ou réaliser que la Ummah a été atteinte par le malheur de ces nouvelles jama'at qui sont apparues, qui ont différentes méthodologies et différentes opinions, hein, mais qui sont tous d'accord pour attaquer les gens de Ahl Sunnah et pour ruser contre eux et faire des complots contre eux et pour essayer de faire en sorte que ce soit leur da'wah qui soit à la place de la da'wah du tawhid. Et ça, on le remarque. Et c'est pas pour rien que vous allez voir que tous les groupes de bid'a et toutes les jama'at de bid'a sont tous d'accord pour critiquer l'Arabie Saoudite et pour critiquer les ulama de l'Arabie Saoudite. Peu importe leur tendance, peu importe leur groupe et leur jama'at, ils sont tous d'accord là-dessus. Et ils sont tous d'accord sur cet ennemi-là. Ils vont laisser, ils vont rien dire sur les shi'a, ils vont rien dire sur les soufia, ils vont rien dire sur les autres groupes d'égarement. Mais la seule chose qu'ils vont critiquer, c'est les ulama du tawhid et la da'wa du tawhid et la da'wa salafia. Donc le cheikh il dit, pourquoi? Parce qu'ils veulent faire en sorte que tout ce qui se passe là-bas dans les terres saintes soit établi selon leur manhaj à eux. Il n'y a pas une secte d'égarement ou un groupe de bid'a aujourd'hui qui rêverait pas de voir d'avoir le contrôle sur les deux lieux saints. Il n'y en a pas une secte parmi les sectes d'égarement aujourd'hui qui n'aimerait pas avoir le contrôle de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir le contrôle de Mecca, hein, de la mosquée Al-Haram. Ils souhaiteraient tous pouvoir avoir le contrôle sur ces deux mosquées-là. Et c'est ça leur but et un de leurs grands objectifs et de leur but, c'est justement d'arriver à ça. Et de mettre dehors les ulama du tawhid et les ulama de la sunna qui leur met des bâtons dans les roues, qui les empêchent de pratiquer leur shirk et leur bida et leurs égarements. Donc c'est ça leur objectif, c'est de combattre la da'wah du tawhid pour remplacer cette da'wah par la da'wah de la bida, par l'ash'ariya, par al-maturidiyya, par yani al-sufiyya, al-tasawuf, par Rafd ou bien la aqida des Shia Rafida. C'est ça ce qu'ils veulent faire. Ils veulent remplacer la da'wah du tawhid par ces bid'a et par ces formes d'égarement et par ces éloignements de la sunna. Donc il faut que les gens de la sunna soient alertes et qu'ils soient conscients de ce danger là et qu'ils se justement qu'ils ne prennent pas les choses à la légère, hein? Et donc le cheikh il dit, Et même les khawarij, les takfiriyin, la même chose. Ils s'allient avec les gens de bid'a contre les gens du tawhid. Et ils prétendent être sur le tawhid. C'est la même chose. Hein, ils sont aussi dangereux que les autres groupes de bid'ah. Les khawarij, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, c'est les chiens de l'enfer. Et toutes les bid'ah, de toute façon, tous les groupes de bid'ah, ils sont tous d'accord avec la voie des khawarij, de toute façon. Hein? Comme les salafs l'ont expliqué. Ahlul bid'ah kulluhum, ahlul ahwa kulluhum khawarij. Les gens de bid'ah sont tous des khawarij. Hein? Parce qu'ils sont tous d'accord sur l'épée et la rébellion, et la révolte contre les dirigeants, etc. Donc, le cheikh, il dit ensuite, ils ont tous des intentions de mettre leur da'wah à la place de la da'wah du tawhid. Hein? Et ils ont, pour arriver à ces objectifs-là, des méthodologies qui sont cachées, des méthodes de complot et de ruse. Hein? Mais, il dit le cheikh, elles sont cachées. Beaucoup de gens, même parmi la plupart des gens, ils ne réalisent pas le danger et les ruses de ces gens-là. Elles sont cachées même pour la plupart des gens. Mais par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, ces ruses-là ne sont pas cachées pour les ulama qui ont été illuminés par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voient par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le succès de suivre la voie des salaf salih. Donc il dit, venez, maintenant on va lire les paroles des ulama ensemble, parmi les ulama de cette umma qui ont expliqué les dangers de cette jama'a, nouvelle jama'a de bid'ah, et qui ont expliqué en détail, hein, les égarements, hein, de ces gens-là qui, hein, séparent entre les gens ordinaires et les ulama, c'est-à-dire ils essaient de couper les gens des hommes de science pour que les gens ne se réfèrent plus aux gens aux ulama, que les gens ne se réfèrent plus aux ulama de la sunna et du tawhid, pour mettre une barrière entre les gens ordinaires parmi les ulama, pour mettre une barrière entre les gens ordinaires qui ne sont pas parmi les ulama, pour qu'ils n'entendent pas la parole des savants de l'islam, et pour qu'ils puissent par la suite faire en sorte que les gens ne savent pas qu'est-ce que les savants ont dit à leur sujet, pour qu'ils ne s'éloignent pas d'eux par la suite, et pour pouvoir continuer à éduquer leurs fidèles dans leur voie et dans leur égarement. Et ils prennent les paroles des ulama dans la marge, comme si c'était quelque chose de secondaire, ou que de retourner aux ulama, c'était pas important. Et pour continuer à les garder dans l'ignorance et les garder dans leur voie. Et parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils réussissent, ces gens de bid'ah parmi les tablirs et autres, ils réussissent à y séduire certains parmi les hommes de science par leur apparence, par leur façon de parler et tout. Ils viennent et ils leur parlent d'une manière pour essayer de faire en sorte qu'ils les encouragent, ils encouragent les gens à sortir avec eux. Et donc, une fois qu'ils réussissent à sortir une parole d'un de ces ulama qui encourage d'une certaine façon les gens à sortir avec eux, ils vont prendre cette fatwa, ils vont prendre cette parole, et puis ils vont faire qu'elle fasse le tour du monde pour montrer aux gens qu'ils ont un accord, un support, une tazkiya de la part des hommes de science qui encourage les gens à sortir avec eux. Hein? Et pour tromper les gens avec ça. Malgré que leur égarement et leur déviation sont clairs. Mais alhamdoulilah, les ulama, ils ont clarifié bien clairement ces choses-là. Maintenant, il y a plusieurs livres qui ont été écrits pour réfuter les gens de tablir. Parmi ceux-là, il y a le livre du cheikh Hamoud al-Touajri, Al-Qawl al-Balir, Fit Tahdir min Jama'at al-Tablir, et c'est un des meilleurs. Ensuite, il y a le livre du cheikh du Maroc, grand savant du Maroc, Mohamed Taqiyuddin al-Hilali, qui s'appelle As-Siraj al-Munir fi Tanbih Jama'at al-Tablir ala Akhta'ihim. Ça aussi, c'est un très bon livre de ce grand savant du Maroc, Cheikh Mohamed Taqiyuddin al-Hilali, un cheikh salafi du Maroc. Ensuite, il y a le livre Jama'at al-Tablir fi Shibh al-Qara al-Hindiya du cheikh Sayyid Talib al-Rahman. Et le livre également qui s'appelle كشف الستار عما تحمله بعض الدعوات من أخطار للشيخ محمد بن ناصر العريني. Et il y en a d'autres livres qui ne sont pas écrits spécialement sur les tablirs, mais qui parlent de tablirs. À l'intérieur de ces livres-là, il y a des chapitres ou des parties qui parlent de tablirs, comme le livre écrit par le cheikh Ahmed al-Najmi, Al-Mawrid al-Uthb al-Zulal, Fima intuqida ala al-manahij al-da'awiyya min al-aqaid wal-a'mal, écrit par le cheikh Ahmed al-Najmi. Et je crois que notre frère Hassan Abu Asma, il a fait des cours sur ce livre-là, donc c'est des cours très bénéfiques. Et je vous incite, je vous encourage à retourner à ces cours-là. Et il y a également le livre Al-Ajwiba al-Mufida, An As'ilat al-Manahij al-Jadida, écrit par, c'est des fatwas, des questions posées au Cheikh Al-Fawzan sur les questions de Manhaj. Et il y a également le livre Haqiqatu الدعوة إلى الله للشيخ سعد الحسين والقطبية هي الفتنة فاحذروها للشيخ أبو إبراهيم العدناني donc ça c'est les différents livres qui ont été écrits à ce sujet là et on va aller maintenant des fatwas des ulama à ce sujet. On va commencer par le premier des grands ulama, c'est Cheikh Ibn Baz rahimahullah. أما أول علمائكم يا أهل السنة الذين حذروا من هذه الجماعة فهو مفتي الديار السعودية العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الله ابن باز غفر الله له وأسكنه فصيح جنته. أولا سأله سائل فقال خرجت مع جماعة للهند والباكستان وكنا نجتمع ونصلي بمساجد فيها قبور وسمعت بأن الصلاة بالمسجد الذي يوجد فيه قبر باطلة فما رأيكم في صلاتي وهل أعيدها وما حكم الخروج معهم إلى هذه الأماكن. Premièrement, donc, on a posé la question au Cheikh. Je suis sorti avec un groupe pour aller en Inde et au Pakistan. Et on se réunissait et on priait dans les mosquées dans lesquelles il y avait des tombes. J'ai entendu dire que la prière dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe est une prière qui est invalide, qui est pas valable. Elle est nulle, cette prière. Donc, quelle est votre opinion au sujet de ma prière? Est-ce que je dois la refaire? Et quel est le verdict au sujet de sortir avec ces gens-là dans ces endroits-là? Le Cheikh a répondu, فَأَجَابَ سَمَحَتُهُ رَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَمَّا بَعْدُ فإن جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم. Il dit Bismillah, Alhamdulillah. Ensuite, le groupe de Jama'at al-Tabligh, ils n'ont pas de compréhension dans les questions de Aqida, ils n'ont pas de connaissance ou de compréhension dans les questions de Aqida. Il n'est pas permis de sortir avec eux. Excepté pour celui qui a une connaissance et une compréhension de la bonne aqida sur laquelle se tient Ahlus Sunnah wal Jama'ah, pour qu'il puisse les orienter et leur donner le conseil. ثم قال غفر الله له أما الصلاة في المساجد التي فيها قبور فلا تصح والواجب عليك إعادة ما صليت فيها. Il dit, et en ce qui concerne la salat que tu as prise dans les mosquées dans lesquelles il y avait des tombes, alors elles ne sont pas valables. Et l'obligation pour toi, c'est de les refaire, de refaire ce que tu as pris dans ces mosquées-là. Et ça, ça a été mentionné dans le livre de Cheikh Mohamed Al-Urayni dans Kashf al-Sitar. Il dit ensuite, وَعْلَمْ مِنْ هَذَا الْجَوَابَ الْمُبَارَكُ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا الْجَوَابَ الْمُبَارَكُ أُمُورٌ مِنْهَا. أولا أن هذه الجماعة التبليغية ليس عند أهلها بصيرة بمسائل العقيدة كما يقول سماحته إذا كان كذلك فلا خير في جماعة لا بصيرة لأهلها بالعقيدة الصحيحة لأنها تفسد ولا تصلح. نعم عندهم معرفة بعقائد الصوفية الخرافيين. Le Cheikh il dit, on peut comprendre à partir de cette réponse plusieurs choses. Premièrement, que cette jama'a, elle n'a pas de compréhension dans les questions de aqida, comme le dit le Cheikh Ibn Baz. Et donc, on peut dire qu'il n'y a aucun bien, de toute façon, dans une jama'a, dans un groupe, qui n'a aucune compréhension des questions de la bonne aqida. Hein? Parce que cette jama'a, elle va faire plus de mal, elle va faire plus de désordre que de bien, et que de réforme. Il dit oui, ils ont de la connaissance des aqida, mais l'aqida des soufis et des khurafiyin, hein, des superstitions, des choses de fausseté. Des gens qui racontent des choses sans preuve. Deuxièmement, أنه لا يجوز الخروج معهم كما يقول سماحته لخلل عقائدهم. Deuxièmement, il n'est pas permis de sortir avec eux, hein, contrairement à il n'est pas permis de sortir avec eux, comme le dit le Cheikh Ibn Baz, à cause des problèmes qu'ils ont dans leur aqida. Troisièmement, ثالثا إذا أمكن أن يخرج معهم طالب علم طالب العلم ليبصرهم بالعقيدة الصحيحة فليفعل ولكن الواقع أنهم لا يأذنون بذلك فعندهم من التحذير فعندهم أن التحذير من البدع والشرك يفرق الأمة ولا يجمع. Troisièmement, il dit que, comme on peut comprendre dans cette fatwa, que s'il est possible à un talib ilm de sortir avec eux et de leur faire comprendre la bonne aqida, alors il peut le faire. Mais le cheikh il dit, dans la réalité, ils ne permettent pas à quelqu'un d'avertir contre les bid'ah. Ils ne permettent pas à quelqu'un d'avertir contre les bid'ah et contre le shirk, parce que ces gens-là, ils prétendent que ça divise la umma et que ça ne réunit pas les musulmans de parler de ces choses-là. Ensuite, le cheikh il dit, رابعاً إن هذه الجماعة تعتكف وتصلي في المساجد المبنية على القبور وتجعلها مركزاً لدعوتها كما قال هذا السائل وهذا يدلك على شيء من فساد معتقدهم فيخرجون بك من بلاد التوحيد لتصلي صلاة غير صحيحة في شرع الله وتلزمك إعادتها كما يقول العلامة ابن باز فأفسد عليك صلاتك وعقيدتك من قبل. Donc il dit ici, comme on le voit quatrièmement, que cette jama'a, ils font l'i'tikaf et la prière dans des mosquées où il y a des tombes qui sont construites, ou bien des mosquées qui sont construites sur les tombes. Et il dit donc, ils font de ces mosquées-là des centres pour leur da'wah, comme le dit cette personne qui a posé la question. Et ça indique la mauvaise aqidah qu'ils ont, hein, que leur aqidah elle est corrompue. Et donc, tu sors de Bilal al-Tawhid, du pays du Tawhid, pour aller prier une prière qui n'est pas valable dans la sharia d'Allah et que tu dois refaire par la suite, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz. Et donc, ils t'ont corrompu ta prière et ta croyance auparavant. Deuxièmement, وَهَذَا سُؤَالٌ ثَانٍ وُجِّهَا لِسَمَاحَتِهِ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ 1416 بمكة المكرمة يقول السائل تسمع يا شيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة أرجو توجيهي ونصحي. فأجاب سماحته بقوله كل من دعا إلى الله عز وجل فهو مبلغ بلغوا عني ولو آية ولكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات وعندهم بعض البدع والشركيات فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج معهم ينكر عليهم ويعلمهم أما إذا خرج يتابعهم لا لأن عندهم خرافات وعندهم غلط وعندهم نقص في العلم. الشيخ الزي deuxième question qui a été posée au Cheikh le sixième jour de Dhul-Hijjah de l'année 1416 à Mecca, Al-Mukarrama. Quelqu'un a posé la question, Cheikh, vous entendez parler de Jama'atul Tabligh et qu'est-ce qu'ils font comme da'wah, est-ce que vous me donnez la nasiha ou le conseil de rentrer dans cette jama'a quelle est votre orientation et quel est votre conseil? Donc, le cheikh, il a répondu, il a dit, toute personne qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala est un muballir, c'est-à-dire quelqu'un qui transmet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, il dit, balliru anni wa law aya, transmettez de moi même une seule aya. Mais la jama'a de tablir, qui est connue en Inde, ils ont beaucoup de superstitions, beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam, et beaucoup d'innovations et des formes de shirk. Et donc, il n'est pas permis de sortir avec eux, excepté pour une personne qui possède de la science, qui va sortir avec eux dans le but de dénoncer les choses qu'ils font, qui sont contraires à l'islam, qui sont contraires à l'islam, et qui va leur enseigner l'islam. Mais de sortir avec eux pour les suivre, ça, non. Parce qu'ils ont des superstitions et des faussetés qu'ils enseignent, et ils ont des erreurs, et ils ont un grand manque dans la science. وفي جواب سماحته رحمه الله فوائد. أولا ظهر لك أن الشيخ تبين له ضلالهم وانحرافهم فذكر رحمه الله أن عندهم خرافات وبدع وشركيات ونقصا في العلم ولهذا حذر من الخروج معهم إلا لعالم ينكر عليهم وتقدم أنهم أهل عناد لا يرضون ولا يأذنون بالخروج لمن يخالف منهجهم وأصولهم ويحذر من بدعهم. Donc le cheikh il répond, cheikh Ben Baz ici il répond, il dit, il est apparent, il a été clarifié pour lui, pour le cheikh, qu'ils ont des égarements, des déviations. Hein? Et le cheikh donc il mentionne qu'ils ont des khurafats, des choses qui sont fausses, qui sont des superstitions, des mensonges, des innovations, des formes de shirk et un manque de science. Et donc il a averti contre le fait de sortir contre eux. Excepté pour un savant, hein? Et on a déjà expliqué que ce sont des gens qui sont des gens qui s'opposent à la vérité et qui n'agréent pas la vérité, qui ne sont pas satisfaits qu'on leur clarifie la vérité. Et ils ne permettent pas qu'on sorte avec eux si on contredit leur manhaj et leur fondement et qu'on avertit contre leur innovation. Et ça, c'est un point important, hein, par rapport à la da'wa aussi, même pour les gens qui appellent au tawhid et à la sunna, pour les autres groupes, pas seulement pour Jama'at al-Tablir, mais pour d'autres groupes par exemple qui ont des innovations et des bid'ahs. Il y en a parmi les prêcheurs parfois qui disent, nous on va aller avec eux, on va participer à leur séminaire, à leur convention, à leur séminaire, pour soi-disant avertir ces gens-là contre les bid'ahs et contre le mal des ikhwan ou contre le mal des autres groupes. Et la réalité, c'est le contraire. C'est que lorsqu'ils arrivent dans ces groupes-là et lorsqu'ils arrivent dans ces séminaires-là, ils n'arrivent pas à dénoncer ou à critiquer les innovations. Et ils n'arrivent pas à avoir non plus un impact pour contrer le mal qui existe dans ces jama'at. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont dit ça, moi. On en connaît en Occident, il y en a beaucoup, malheureusement, il y en a surtout dans le côté anglophone, des prêcheurs qui se disent salafis, et puis qui rentrent par la suite avec les hizbiyins et les ikhwan et les gens de bid'a, et qui disent, nous on veut juste les ramener à la sunna et leur faire da'wah par l'intérieur. Et en fait, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que ils commencent, eux, à devenir comme les ikhwan et développer les mêmes méthodes que eux. Et ils se taisent par sagesse, soi-disant par sagesse, pour dire qu'ils veulent les ramener doucement. Mais à la fin, tellement qu'ils ne veulent pas dénoncer le mal, puis qu'ils pensent que ça c'est de la sagesse, qu'à la fin, ils cessent même de dénoncer les innovations, les bid'ahs et le shirk, à force d'être avec eux. Et donc ça, c'est le danger de ces gens-là qui se croyaient intelligents et qui se croyaient sages et qui sont devenus par la suite des gens de bid'a eux-mêmes et qui appellent à la bid'a justement par le fait qu'ils s'associent avec ces gens-là et qu'ils coopèrent et collaborent avec eux sans pouvoir réellement rien changer de l'intérieur de ce que ces gens-là font comme innovation. D'accord? Donc ça c'est un rappel à ce sujet-là, parce qu'ils ne te laisseront jamais les critiquer, jamais. Et du moment que tu vas les critiquer ouvertement et clairement, ils vont te mettre dehors, ils ne vont pas te laisser parler par la suite. Et donc le cheikh il dit wa fi jawabi samahatihi rahimahullah fawaid. Donc on a lu le premier point, et deuxièmement, ثانياً هذا التحذير من سماحته يلغي ما صدر منه أولا من شيء من التزكية لهذه الجماعة لأنه قد تبين له حالهم ولا يمكن أن يثني عليهم شيخنا رحمه الله بعد ذلك وقد نص على أنهم أهل خرافات وبدع وشركيات. الشيخ il a averti contre leurs innovations et contre leur égarement. Il a averti contre eux. Et ça, ça vient annuler ce qu'il avait dit précédemment de, comme tazkiya, qu'il avait fait à leur sujet. Parce que ça a été clarifié pour lui que ces gens-là avaient des contradictions avec l'islam. Et il n'est pas permis qu'ils fassent des éloges. Que notre cheikh fasse des éloges sur eux après ça, comme ça a été comme il l'a mentionné lui-même, que ce sont des gens qui ont des khurafats, des innovations et des formes de shirk. Hein, comme le cheikh il l'explique plus loin, c'est que en fait il y a des gens de Tablir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'utiliser des anciennes fatwas du cheikh Ibn Baz. Au début, lorsqu'il ne les connaissait pas vraiment bien, lorsqu'il n'était pas conscient de leurs égarements, à ce moment-là, il avait fait des fatwas, et certaines des tabliriyin, ils prenaient ces fatwas-là, ils les imprimaient dans les mosquées, pour essayer de montrer que le cheikh Ibn Baz n'était pas contre Jama'at al-Tablir. Mais le problème, c'est qu'il ne mettait pas les fatwas qui sont sortis par la suite, et qui clarifiait l'égarement de cette jama'a. Le cheikh il dit ثالثاً من تلبيس أتباع هذه الجماعة نشرهم لفتوى الشيخ القديمة قبل أن يتبين له حالهم ثم يخفون هذه الفتاوى التي استقر فيها رأي الشيخ على وصفهم بالبدعة والخرافة والتحذير من الخروج معهم. Le cheikh il dit qu'il y a beaucoup de leurs fidèles justement qui cachent justement ou qui ne veulent pas répandre ou propager les fatwas du cheikh qui sont nouvelles. Il les cache ces fatwas-là, des fatwas dans lesquelles il a averti contre eux et qui les a décrits comme étant des gens qui sont sur la bid'a et sur la superstition et qui avertissent de sortir contre eux. Et ils ne font que passer les anciennes fatwas du cheikh qui au départ n'étaient pas au courant des détails de tout ce que cette jama'a faisait comme égarement et innovation. Troisièmement, ومن آخر ما قاله الإمام ابن باز في هذه الجماعة ما ورد في شرحه للمنتقى قبل وفاته بسنتين وذلك في مدينة الطائف حيث يقول السائل سماحة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرقة الهالك في الفرق الهالكة؟ فأجاب العلامة ابن باز غفر الله له وأسكنه فسيح جنته بقوله تدخل في الثنتين والسبعين من خالف عقيدة أهل السنة دخل في الثنتين والسبعين المراد به بقوله أمتي أي أمة الإجابة أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له وأظهروا اتباعهم له 73 فرقة الناجية السالمة التي اتبعته واستقامت على دينه 72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. Donc le cheikh, on lui a posé la question, lorsqu'il faisait un charh dans la ville de Taif, faisait le charh du livre qui s'appelle Al-Muntaqa, c'est un livre de hadith, hein, c'est un livre de hadith qui explique les règles du fiqh. Donc avant sa mort, deux ans avant sa mort, on lui a posé la question, Samahatu Sheikh, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne la division de la Umma en 73 sectes, hein, que la Ummah va se diviser en 73 sectes, et qu'il y en a, et elles seront toutes en enfer excepté une. Est-ce que Jama'atul Tabligh et Jama'atul Ikhwan rentrent dans ces 73 sectes, dans les 72 qui vont être en enfer? Et il mentionne, il dit, la Jama'atul Tabligh, avec qu'est-ce qu'elles font, ou bien avec qu'est-ce qu'ils font comme shirkiyat, des formes de shirk et d'innovation. Et la Jama'at des Ikhwan, avec qu'est-ce qu'ils ont comme le fait de se diviser en parties et d'opposer l'autorité du dirigeant et de ne pas écouter et obéir au dirigeant. Est-ce que ces deux groupes-là et ces deux sectes, est-ce qu'elles rentrent dans les sectes qui vont périr et qui vont être dans l'enfer? Et le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, il dit, qu'Allah le pardonne et lui fasse demeurer dans son paradis, il dit, elle rentre dans les 72 sectes qui rentrent en enfer. Elle rentre dans les 72 sectes qui ont contredit l'aqida de Ahl Sunnah. Hein? Donc, celui qui contredit l'aqida de Ahl Sunnah, il rentre dans les 72 sectes. Et qu'est-ce qui est voulu dire par le terme ummati, de ma umma, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, hein, dans ma umma, quand il va y avoir 73 sectes qui vont se dévier, dans ma umma, une qui va être au paradis, les 72 qui vont être déviés, qui vont être en enfer. Il a dit, quand il dit ma umma, ça veut dire la umma qui a répondu à l'appel. C'est-à-dire qu'ils ont montré en apparence qu'ils ont suivi l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont 73 sectes. Parmi elles, il y en a une qui va être sauvée, c'est celle qui a réellement suivi, qui est restée droite sur la religion, et il y en a 72 qui sont 72 sectes. Parmi ces sectes, il y a parmi ces sectes le kafir, mécréant, il y a parmi ces sectes également le désobéissant, c'est-à-dire celui qui fait des péchés, et il y a également le mubtadi', l'innovateur. Et donc c'est des catégories. Parmi les 73 sectes, il y a des catégories. Il y en a qui sont kuffar, il y en a qui sont pécheurs, et il y en a qui sont innovateurs. فقال السائل, donc le questionneur a dit, يعني هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين, فأجاب رحمه الله نعم من ضمن الثنتين والسبعين. La personne qui posait la question a dit, donc ces deux sectes, elles font partie des 72 sectes? Elle a dit, le cheikh, oui, elles sont comprises dans les 72 égarés. Troisièmement, رابعا لما قيل للشيخ ابن باز إن أفراد هذه الجماعة ما زالوا يوزعون ورقة قديمة لكم فيها شيء من التزكية لهم وجعلوا لها تاريخا جديدا متأخرا فأجاب رحمه الله بقوله هناك مقال لنا بمجلة الدعوة جيد فصلنا فيه ومختصر منشور من قريب خذوا الذي في المجلة. Donc ils ont posé la question au cheikh, il y a les gens de Jama'at Tabligh, ils continuent encore à propager votre ancienne feuille, une feuille ancienne dans laquelle il y avait une certaine tazkiya, une certaine approbation de votre part pour eux, mais ils ont mis une nouvelle date à cette fatwa. Alors le cheikh, il a répondu rahimahullah en disant, il y a une parole qui est sortie de nous, une parole qu'on a diffusée dans le magazine qui s'appelle Ad-Da'wa, et dans ce magazine là on a clarifié en détail, et également quelque chose qui va être résumé aussi, qui va être distribué prochainement. Alors prenez celui qui est dans le magazine Ad-Da'wa. Prenez celui qui est dans le magazine. Et ça, c'est donc les paroles du Cheikh à ce sujet-là. وهذا كلام الشيخ ابن باز يأمرنا بأخذ كلامه الذي في مجلة الدعوة دون تلك الورقة التي يوزعها التبليغيون تلبيسا وتغريرا مع علمهم بتغير رأي الشيخ فيهم وأنه مات وهو يذمهم ويحذر من الخروج معهم إلا لمن يصحح عقائدهم لمن يصحح عقيدة عقائدهم وإن كانوا يقبلون وهيهات هيهات فهم معاندون فوصيته رحمه الله نشر كلامه المذكور في مجلة الدعوة شيخ الدي que ça c'est la parole du cheikh qui nous ordonne de prendre sa parole qui est dans le magazine Ad-Da'wa et non pas la feuille que les tabliriyouns propagent pour tromper les gens et pour essayer de faire croire aux gens qu'il était d'accord avec eux. Et ils savent très bien que le cheikh a changé de position face à eux, hein, et qu'il est mort alors qu'il les critiquait et qu'il avertissait les gens contre le fait de sortir avec eux, excepté pour celui qui veut corriger leur aqida s'ils acceptent, et jamais ils n'accepteront parce que ce sont des gens qui s'opposent à la vérité. Donc le cheikh il dit son conseil donc c'est de suivre la fatwa qui avait été transmise dans dans le magazine Al-Da'wa Al-Majalla Al-Da'wa. ولكن ما الذي قاله هذه في هذه الفتيا. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans cette fatwa dans ce magazine. يقول الشيخ الفوزان غفر الله له ونفع بعلمه آخر ما صدر من الشيخ ابن باز قبل أيام في مجلة الدعوة يقول إن هؤلاء الجماعة ليس عندهم بصيرة في التوحيد. هذا هو الأساس. إذا صار ما عندهم بصيرة في التوحيد خلصنا منهم ونفضنا أيدينا منهم. يقول أي الشيخ ابن باز فلا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يبصرهم. إذن صارهم بحاجة إلى الدعوة. إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة فكيف يدعون الناس. انتهى كلامه حفظه الله وسدده. الشيخ المنسيان les paroles de Cheikh Al-Fawzan, il dit la dernière parole qui a été publiée dans Majalat al-Da'wa, des paroles de Cheikh Ibn Baz quelques jours avant sa mort. آخر ما صدر من الشيخ ابن باز قبل أيام في مجلة الدعوة يقول il dit que ceux-là, les gens de la Jama'a al-Tabligh, ils n'ont pas de compréhension du tawhid. Et ça, c'est la base. Le tawhid, c'est la base. Donc, s'ils n'ont pas de compréhension du tawhid, alors on n'a rien à faire avec eux. Hein? Et on se lave les mains de ces gens-là. En voulant dire, on se sépare nos mains de ceux-là, on n'a aucun lien avec eux. Et il dit, c'est-à-dire le Cheikh Ibn Baz, donc, personne ne doit sortir avec eux, excepté un savant qui va leur enseigner et leur faire comprendre. Et donc, le Cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, si eux, ce sont eux qui ont besoin de da'wah, c'est-à-dire c'est eux qui ont besoin qu'on leur fasse la da'wah, alors, si c'est eux qui ont besoin de da'wah, alors comment eux, ils peuvent faire la da'wah aux autres. Intaha kalam. Ça, c'est la fin de la citation en question. Donc, ça, c'est la fin des fatwas qui ont été mentionnées au sujet des paroles de Cheikh Ibn Baz. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, lundi prochain, pour expliquer et lire ensemble les fatwas du Cheikh Ibn Uthaymeen à leur sujet. Qu'est-ce que le Cheikh Ibn Uthaymeen a dit par rapport à cette secte qu'on appelle Jama'at al-Tabligh. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.